Donc, oui, Samuel Coivou, je suis doctorant en sociologie en troisième année à Lyon, donc, et au Centre Max Weber. Et ma thèse porte précisément sur la réception, enfin, porte sur la réception de l'art, c'est-à-dire, je vais en parler un petit peu, c'est un paradigme de sociologie de la culture qui s'intéresse à la manière dont les gens s'approprient les œuvres d'art, les objets culturels en général. Et elle porte plus particulièrement sur un tableau français, religieux, classique, du XVIIe siècle, qui est conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon, et sur donc la manière dont les gens le voient, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la manière dont ils l'interprètent, mais aussi la manière dont ils entrent en attention, dont ils le repèrent, dont ils s'approchent de lui, et la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent y voir. Cela dit, ma communication aujourd'hui est sur une question qui est plus épistémologique que méthodologique, mais les deux, à mon sens, sont complètement liés. Enfin, la théorie et la méthodologie vont parfaitement ensemble. Et donc, elle va porter précisément sur la littérature. Il y a un téléphone qui sonne sur la table. Ouais. Elle va porter précisément sur une littérature d'études de public, une littérature anglo-saxonne d'études de public, sur la manière dont cette littérature mobilise la variable temps pour faire sens de la réception des œuvres par les visiteurs. Et donc je vais essayer de vous présenter une critique de cet usage du temps, portant notamment sur l'absence d'histoire, l'absence étonnante d'histoire et de diachronie dans ces usages. Donc la réception des objets culturels est une perspective désormais classique, une perspective de recherche désormais classique pour les sciences sociales de la culture. Elle consiste donc à interroger les modes d'appropriation de ces objets par leurs consommateurs, et déplace ainsi le regard traditionnellement porté sur justement les consommations, c'est-à-dire le fait par exemple de lire tel ou tel livre et de regarder tel ou tel film, de déplacer le regard de ces consommations et de leur existence à la façon dont cette consommation prend place. On cherchera donc à savoir, plutôt que simplement qui lit quel livre, à savoir comment le livre est lu et la manière dont le lecteur l'interprète. Et l'on analysera de la même manière l'auditeur de musique dans son rapport au CD ou au concert, le cinéphile ou le spectateur télévisuel devant les usages de la télévision, ou encore, dans des enquêtes désormais célèbres, l'amateur de vin levant son verre à la lumière avant le goûter. Des méthodes, je passe sur les références dans le corps du texte, et si vous les voulez, on en discutera après. Des méthodes désormais robustes et des concepts désormais éprouvés permettent de faire sens de ces pratiques. Et pourtant, certaines dimensions de la réception des objets culturels sont à mon sens laissées dans l'ombre par le statu quo et le consensus actuel de cette sous-discipline. Les sujets privilégiés de ces enquêtes, en effet, sont à la fois des personnes engagées dans leur consommation culturelle. Les sujets privilégiés de ces enquêtes sont à la fois des personnes engagées dans leur consommation culturelle, des fans, des amateurs et des experts, plutôt que des individus confrontés par hasard à un produit culturel, par exemple, des gens qui écoutent la radio au supermarché, ou des gens qui, comme je vais le soutenir, au musée passent par hasard devant un tableau, et la manière dont ils voient ce tableau semble forcément être venu là justement pour le regarder. Et par ailleurs, ces enquêtes portent à la fois sur des personnes engagées et sur des objets particuliers, comme le remarque avec pertinence, à mon sens, Jean-Claude Passeron, des objets produits dans un langage naturel, et donc notamment des objets culturels narratifs. La littérature, sous toutes ses formes, de la poésie au roman populaire, en passant par la bande dessinée, le cinéma, la télévision et la radio ont les faveurs des sociologues de la réception. Alors que la musique, dans une moindre mesure, mais a fortiori les arts visuels, la peinture, la sculpture, les installations, ne sont que très rarement abordés par ces mêmes personnes. Et ces deux facettes, à mon avis, c'est-à-dire la focalisation sur un public particulier et la focalisation sur un type d'objet particulier, viennent à mon sens ont à mon sens les mêmes sources. Donc pour Jean-Claude Passeron, toujours, cela signe la faillite des méthodes traditionnelles de la sociologie de la réception, et notamment de l'entretien. Il ne peut prétendre dire quelque chose de la réception effective des objets culturels que dans la mesure où il mobilise le même langage que ces objets. C'est-à-dire, quand on interprète un roman, on utilise le même langage, la langue du roman, pour en parler. Et aussi, pourrait-on rajouter, un argument que Passeron ne donne pas, tant que ça ne fonctionne, cet entretien, que tant que le récepteur a déjà explicité sa réception. Comme le font les publics engagés qui écrivent, parlent, discutent des objets qu'ils regardent et qui donc ont déjà un discours prêt finalement sur ces objets, puisque ce discours, puisque la production de ce discours fait partie de l'acte même de réception. Et donc ils la tiennent prêt pour l'enquêteur. Voilà à mon sens l'angle mort des approches classiques de la réception. Les usages distraits, faibles, pour encore une fois utiliser le vocabulaire de Passeron, et je vais à partir de là arrêter de le citer, on comprendra que c'est de lui que je tiens la majeure partie de mon inspiration. Donc les usages distraits, faibles de ces formes de culture sont celles qui se prêtent le moins aux commentaires spontanés, faute de pouvoir être racontées dans le même langage que celui dans lequel elles sont produites. L'exemple canonique en serait la sculpture abstraite. Mais sans aller si loin, des formes d'art pourtant narratives, comme la peinture religieuse classique, dont il faut pourtant, donc forme narrative, et dont il faut rappeler la fonction édifiante de la peinture religieuse au Moyen-Âge ou à la Renaissance. Le but de cette peinture était bien d'enseigner les évangiles à son public, majoritairement des visiteurs, des usagers des églises. Des formes telles que celles-ci sont dans cet angle mort de l'approche classique de la réception. Leur public est composé majoritairement de spectateurs distraits, les visiteurs de musées, qui ne passent en général pas plus de quelques secondes devant chaque objet, et qui, même lorsqu'ils sont sommés par l'ethnographe de produire un discours, s'avèrent souvent incapables de le faire. Le problème donc n'est pas nouveau. Sous de toute autre forme et avec de toute autre problématique en tête, les visitor studies, c'est-à-dire les études de public qui ont été notamment produites aux États-Unis dans les musées américains, ont dû développer des méthodes et des indicateurs pour rendre compte de l'expérience du musée, comme le dit l'un des ouvrages phares du mouvement. Et ces visitor studies ont en particulier proposé d'utiliser une variable, le temps passé devant un objet exposé. Cet objet exposé pouvant être n'importe quoi, j'utiliserai les termes d'œuvres et d'objets exposés comme des synonymes, étant donné que je ne travaille que sur des musées de peinture. Donc le temps passé devant un objet pour saisir l'expérience. C'était une critique de cet usage du temps comme indicateur de l'attention que je souhaite consacrer ma communication. Il apparaît en effet à l'examen que, paradoxalement, la variable temps ne fait jamais l'objet d'un usage diachronique. Elle est toujours réduite par le calcul d'un montant de temps moyen alloué à des objets, et le terme d'allocation est important, j'y reviendrai. Donc elle est réduite à un reflet de préférence des visiteurs, mais n'appréhende jamais les modalités pratiques de réception des objets. Et contre cet usage, je vais proposer de mobiliser cette variable du temps d'une manière un peu différente pour faire sens des séquences d'action, en l'occurrence des modalités concrètes de rapport aux objets exposés, et de la manière dont les gens entrent en attention, mon vocabulaire est encore flou, je suis encore en train de travailler ces termes-là, donc la manière dont leur attention est attirée par les objets. J'ai rajouté une slide courte sur la méthodologie, parce qu'en tant que sociologue, j'ai du mal à faire des communications qui ne soient pas ancrées dans l'empirie, et pourtant je vais parler assez peu de mes recherches empiriques, que je mène donc dans ce musée, à partir d'observations, d'entretiens avec les visiteurs du musée, d'analyses secondaires, de livres d'or, d'enquêtes de public, etc. Cela dit, aujourd'hui je vais partir surtout d'une revue de la littérature, donc des enquêtes de public, et de la manière dont elles utilisent et dont elles mobilisent cette variable temps. Et donc, encore une fois, je peux revenir sur les références si elles vous intéressent, donc les références de ces visitor studies. Les méthodes que je souhaite évoquer sont nées donc dans un contexte professionnel extrêmement particulier. Elles sont représentées donc dans cette littérature dite des visitor studies, un corpus d'analyse empirique des comportements des visiteurs de musées, produit à la fois par des sociologues, des psychologues, et surtout des muséographes. Il s'agit d'une littérature ancienne, les premiers textes datant de la fin du XIXe siècle, et le premier texte moderne, un peu fondateur du courant dans sa forme actuelle, date de 1936, de Robinson, un texte auquel je ferai référence régulièrement, est particulièrement présente dans les départements d'études, donc les départements, ce qu'on appelle en France les départements du public dans les musées. Cet ancrage professionnel, donc, dans la muséographie, dans des départements d'évaluation des expositions, a déterminé très largement la problématique de ces études. Les questions qu'elles posent sont en effet souvent une traduction des préoccupations des éducateurs et des autres médiateurs. Dans une conception du musée largement inspirée par la pensée de John Dewey, un musée proactif, éducatif, qui donne à ses visiteurs des ressources pour apprendre. Ces enquêtes cherchent à évaluer la force, et en particulier la force éducative, des dispositifs d'exposition qu'ils mettent en œuvre, et à prospecter de nouvelles techniques. Quelle est la taille de cartel idéale ? Le cartel étant, vous savez, le texte qui accompagne un objet exposé. Quel est le contexte le plus propice à l'apprentissage, la configuration de la salle la plus efficace donc, dans cette vocation éducationnelle. Ce souci de l'efficacité donc, de l'éducation muséale a conduit à ne pas prendre pour évident l'effet de la visite. Plutôt que de considérer comme le fond, notamment la sociologie des pratiques culturelles, les seules différences entre visiteurs et non-visiteurs de musée, ces courants ont permis d'aller voir bien plus tôt ce que les gens font réellement justement au musée. Et la plupart des études de ces études empiriques, et là on peut saluer en fait l'ambition évaluatrice de ces enquêtes, fait que justement elles sont très largement empiriques, et c'est à mon avis quelque chose d'extrêmement extrêmement favorable à leur mobilisation dans les sciences sociales. Donc la plupart de ces études ont ainsi cherché à mettre en relation des comportements d'une part et des apprentissages d'autre part. Et ils mesurent donc ces derniers, ces apprentissages par des questionnaires et des entretiens qu'on fait passer aux visiteurs à la fin des expositions, pour savoir s'ils en savent plus qu'ils n'en savaient au début. Et on mesure les premiers, les comportements donc, des visiteurs, notamment par des observations. Et c'est là que la variable temps est extrêmement importante. Le problème donc, et le problème empirique qui se pose, méthodologique, est celui des indicateurs pertinents du comportement. Que mesurer pour appréhender l'attention portée par les visiteurs aux objets des expositions ? La réponse quasiment exclusive dans toute cette littérature des visitor studies, dès les premiers travaux, dès le 19e siècle et surtout dès les années 30, est le temps. Il s'agit alors d'appréhender le temps passé devant chaque objet, dans chaque salle ou section du musée, ainsi que dans le musée ou dans l'exposition en général. Une citation un petit peu longue, ce sera la seule, de John Fowle, qui est un des principaux visitor researcher contemporain, et que donc je souhaiterais vous lire, et qui, à mon avis, explique bien la position du temps dans ces enquêtes. Donc, the time a visitor spends is more than seconds, minutes, and hours, is a measure of constraints, needs, and values. The allocation of this valuable commodity is a useful barometer to the visitor's underlying interests, motivations, satisfactions, and dislikes. Time is perhaps not coincidentally the single measure most frequently used for evaluating exhibits' quality and effectiveness and assessing visitor behavior. Time, as a research variable, is easy to measure, essentially objective and theoretically non-trivial. Veuillez me pardonner pour mon accent. Cette remarque donc de John Fowle illustre, à mon avis, très bien la position théorique du temps dans ces années. Il attribue donc la popularité de la variable temps à la facilité de sa mesure, à son objectivité et à sa non-trivialité, je traduis littéralement, théorique. C'est-à-dire de ce que le temps témoigne effectivement d'un intérêt du visiteur. Le vocabulaire utilisé dans cette justification, indique bien le paradigme dans lequel cette non-trivialité donc est déterminée. On parle de valuable commodity, donc de marchandise, enfin de commodité, de valeur, et d'allocation de la valeur, des termes qui sont empruntés au célèbre article de Gary Baker, A Theory of the Allocation of Time, donc Gary Baker, l'économiste de l'école de Chicago, et donc à la microéconomie de cette école. Au fond, c'est donc une théorie motivationnelle de l'action qui considère des acteurs déterminant des objectifs à partir de valeurs conscientes et agissant en conséquence de ces objectifs et donnant à leurs différentes activités libres un temps correspondant à l'intérêt donc subjectif de ces activités. Si l'art m'intéresse un peu plus que le football, je donnerai juste un peu plus de temps à l'art qu'au football. Et le temps permet de marquer exactement la hiérarchie des intérêts et des valeurs qu'accordent les gens. Et donc, dans une phrase à mon avis intéressante, les praticiens des visitor studies expliquent que les visiteurs votent avec leurs pieds, c'est-à-dire non pas sans compétence, mais en se dirigeant vers tel ou tel objet pour indiquer leur intérêt pour cet objet-là. Donc la pratique de la recherche et de l'évaluation utilise toujours le temps comme marqueur de l'attention des visiteurs. Et c'est toujours, et c'est donc sur ce point que je voudrais centrer ma communication, un montant, une quantité de temps qui est employé comme indicateur. Ce que l'on mesure, c'est le temps passé à ou le temps passé dans. On le mesure cependant à des échelles extrêmement variées. le temps global passé dans l'exposition ou dans le musée et le plus général. Il lui permettrait, pour certains auteurs, de comparer l'efficacité des différents musées, des différentes configurations d'exposition. On peut trouver un exemple extrêmement caricatural dans une enquête de Beverly Serrell, qui est une consultante qui travaille et qui est une des un des principaux auteurs contemporains sur ce sujet. Donc une enquête de 97 qui porte sur 108 expositions, au cours desquelles l'équipe de recherche a suivi un échantillon de visiteurs et proposé comme cette enquête propose comme indicateur le ratio du temps total passé dans l'exposition rapporté à la taille du musée en pieds carrés. On est aux États-Unis, à la taille en pieds carrés des lieux. Et elle compare des expositions extrêmement différentes, musées d'histoire, musées d'art et de tradition, mais aussi aquarium, zoo et musée des sciences. On peut évidemment légitimement douter de la légitimité d'une telle comparaison. Mais cet usage-là du temps est extrêmement représentatif des visitor studies. Ces méthodes donc ont par ailleurs l'ambition de mesurer, en même temps que l'attention, donc la trajectoire des visiteurs. Elles ne se contentent évidemment pas de mesurer seulement le temps passé entre l'entrée et la sortie de l'exposition, mais selon une méthodologie qu'elles appellent de timing and tracking, elles chronomètrent le temps passé devant chacune des pièces d'exposition. Le temps d'arrêt, les pièces qui vont être de nature très diverse, encore une fois, du tableau au jaguar dans un zoo, enfin, donc à la cage des jaguars. Le temps d'arrêt devant une pièce n'a de sens que dès lors qu'il y a effectivement arrêt. Cet arrêt est souvent défini comme une attitude du visiteur, les deux pieds par terre. Donc là, je reprends la définition de Beverly Serrell, les deux pieds par terre, la tête ou les yeux dans la direction de l'objet pendant au moins 2 ou 3 secondes. On obtient ainsi des données comprenant le temps total passé dans l'exposition et le temps passé devant chaque objet, le plus souvent égal à 0, puisque en général, dans la plupart des expositions, quel que soit le musée, la plupart des visiteurs sautent la plupart des objets exposés. Donc, c'est courant pour interpréter cette mesure-là du temps, des outils conceptuels robustes. Robinson, donc le premier en 1936, a forgé des termes qui sont encore utilisés de attraction power et holding power, donc pouvoir attractivité, disons, et pouvoir de rétention des objets. Le premier, attraction, désigne la capacité des objets à faire s'arrêter les visiteurs et se mesure notamment par le ratio de nombre d'arrêts sur nombre total de visiteurs. Le second désigne la capacité de ces mêmes objets à faire s'arrêter longtemps ces visiteurs et souvent mesuré simplement par la moyenne du temps passé devant l'objet par ceux qui s'arrêtent, c'est-à-dire en excluant les visiteurs avec un temps zéro. On peut alors comparer les objets comme on compare les expositions. Et ces méthodes vont modéliser inséparablement l'espace et le temps de l'exposition. Cela dit, et c'est là qu'il y a à mon avis une contradiction dans leur raisonnement, il s'agit d'un espace et d'un temps très particuliers. Le temps est réduit à un montant, il ne s'écoule pas, il est donné, il s'alloue plutôt qu'il ne s'écoule. Et l'espace, lui, n'est justement que un temps. On produit des cartes de fréquentation, où chaque lieu, chaque objet est défini par le temps que lui ont consacré les visiteurs, plutôt que par des trajectoires effectives au sein de cet espace. J'avais prévu 2 exemples, je ne vais pas m'attarder trop longtemps, d'autant qu'on voit très mal. C'est une enquête d'évaluation dans un aquarium d'une exposition consacrée aux requins, et vous avez donc une carte de l'exposition faite à partir des... faite à partir du temps passé devant chacun des objets, chaque figure géométrique étant un objet, et plus elle est sombre, et plus les gens se sont arrêtés longtemps, longtemps ou souvent, je ne sais plus, là c'est longtemps, il y a la même carte avec la fréquence donc, d'arrêt, et plus elle est claire, et moins les gens se sont arrêtés. Vous voyez que c'est une carte de fréquentation, et évidemment pas une carte de trajectoire, alors que ces enquêtes-là ont pour ambition de mesurer des trajectoires. Autre exemple, très rapide, à peu près la même chose, mais là dans un musée des sciences et un travail sur une exposition sur des robots, où là le concept même de l'exposition proposait aux visiteurs d'utiliser des puces RFID pour interagir avec les robots, et du coup ça permettait aussi de suivre les visiteurs dans l'exposition et de trianguler leur position à chaque moment, et enfin voilà, et on en a tiré des cartes de fréquentation, encore une fois, et pas des cartes de trajectoire. En guise de trajectoire, donc, ce ne sont jamais que des successions de positions, mais toujours l'agrégation de temps passé dans chacune des zones ou devant chacun des objets qui est mesuré. Les visiteurs, dans ces enquêtes, ne se déplacent pas réellement au sein du musée. Ils donnent simplement leur temps à tel ou tel objet. On produit des diagrammes de fréquentation et d'attention, mais sans jamais s'intéresser aux modalités effectives de la visite. On sait en somme que les visiteurs s'arrêtent plus devant tel ou tel objet, mais on en est réduit à des conjectures quant aux raisons de d'un tel arrêt, faute d'observer ce qui réellement va pouvoir le provoquer. On sait qu'il visite plus telle ou telle partie, mais sans savoir quand cette visite a lieu, ce qui la précède et ce qui la suit. Et le montant de temps, cet usage-là du temps, conduit à une vision déréalisée des pratiques de la visite. Il lie ces pratiques comme de simples révélations des préférences, sans s'intéresser au processus de construction des goûts. Donc, ma seconde partie va essayer d'élaborer un petit peu cette critique du temps. Je n'ai pas la place de m'étendre sur les raisons possibles de cette orientation-là. Elles ont, à mon avis, à voir autant avec des contraintes matérielles de ces études d'évaluation qu'à l'institutionnalisation et même à la routinisation d'une méthode, comme dans beaucoup de sciences, ou de disciplines en tout cas, qui arrivent à un moment un peu routinisé de leur existence. On continue d'utiliser les mêmes méthodes qu'avant sans se poser de questions, et le timing and tracking est devenu un outil majeur du répertoire d'action de l'évaluation des politiques muséales, en tout cas aux États-Unis, très peu le cas en France. Mais ces raisons ont aussi à voir, à mon sens, avec les présupposés intrinsèques à la théorie de l'action qui est sous-jacente à ces études, théorie motivationnelle où on considère que justement les gens ont des préférences préformées une fois qu'ils sont dans le musée, ils ne font qu'exprimer ces préférences. Ces enquêtes ont pourtant produit des résultats intéressants. Enfin, évidemment, et ma communication n'est en aucun cas une critique radicale de ces travaux, c'est juste. J'essaie de travailler sur certains de ces présupposés, certaines de ces conséquences. Et donc, parmi quels résultats, on a montré l'importance du matériel d'interprétation dans l'arrêt des visiteurs, l'importance de la fatigue muséale, donc mise en évidence encore une fois par Robinson dès 1936, c'est-à-dire le fait que les visiteurs, qu'on a des temps d'arrêt décroissants à mesure que l'on s'éloigne de l'entrée de l'exposition, etc. Cela dit, donc, ces études conduisent à abstraire les pratiques des visiteurs de leur contexte d'action. Elle pose en particulier deux problèmes. D'une part, elle tend à lisser les trajectoires des visiteurs en les moyennisant et en les modélisant, au détriment de l'intérêt que présentent les hésitations, les retours, les visites ne suivant pas le sens, etc. Donc les retours sur des œuvres passées. Et d'autre part, en ne mesurant le temps qu'à un niveau global, celui de l'exposition ou celui de l'arrêt devant une œuvre, qui cache la dynamique de l'attribution de l'attention. Comme je le disais donc précédemment, ce ne sont pas tant des trajectoires que des plans de fréquentation que produisent les études de timing and tracking, même si dans certains cas, on montre bien des circulations de visiteurs. Mais ça, ils ne sont pas complètement dans l'ordre. Je suis désolé pour ça, je reviendrai un petit peu si vous m'excusez le petit cafouillage. Donc, elles montrent parfois des circulations de visiteurs, comme c'est le cas ici. Donc là, on a l'entrée dans la salle, certains qui commencent la visite par la gauche, d'autres par la droite, puis qui quitte la visite à quel moment. Mais encore une fois, ce sont des trajectoires complètement linéaires, d'accord ? Il n'y a jamais de retour en arrière, il n'y a jamais d'hésitation, il n'y a jamais des gens qui reviennent. On a exactement la même situation là, où encore une fois, on a une carte de trajectoire, c'est une exposition sur les automobiles, on a une carte de trajectoire, on a couplé avec une carte toutes les figures géométriques, encore une fois, sont des pièces exposées, où on a le temps que passent les gens devant ces pièces, mais la trajectoire est complètement linéaire, de toute façon, c'est une exposition qui ne permet qu'un seul sens de visite, donc on a une approche de la trajectoire complètement linéaire. Donc, les visiteurs dans ces visitor studies donc, ne peuvent jamais faire que deux mouvements, avancer ou s'arrêter. Jamais ils n'hésitent, et jamais ils ne reviennent sur leurs pas. Et jamais leur trajet même, ceux qui les mènent d'un objet à un autre, justement, ne sont étudiés. Donc, dans deux enquêtes françaises, celles-ci, des années 80 et 90, on a une réflexion sur ces questions-là de trajectoire qui me semble un peu plus intéressante. Passeron et Pedler, donc encore Jean-Claude Passeron et Emmanuel Pedler, dans une enquête célèbre qui va bientôt être rééditée sur le musée Granet, ajoutent ainsi à leurs indicateurs, qui sont les mêmes que les visitor studies, donc le temps moyen de passer devant l'œuvre et la variation de ce temps entre les visiteurs, ils ajoutent à ces indicateurs un taux de retour qui signale les tableaux difficiles sur lesquels reviennent plus souvent les visiteurs que d'autres, et remarquent qu'il s'agit plutôt d'une pratique de visiteurs de classe supérieure qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, passe moins de temps dans le musée que les autres visiteurs, s'arrêtent devant moins d'objets, mais par contre ont plus de retours et passent plus de temps devant les objets devant lesquels ils s'arrêtent. Véron, et donc Élisée Auvéron et Martine Levasseur, dans une autre enquête extrêmement intéressante sur une exposition de la Bibliothèque publique d'information à Paris, donc ethnographie de l'exposition, en 1983, s'intéresse également à ces questions de trajectoire en distinguant, selon leur forme, les trajets que font les visiteurs d'un objet à l'autre, et en typologisant les visiteurs comme fourmis, papillons, sauterelles ou poissons, donc avec ces métaphores animalières, selon qu'ils les fourmis s'arrêtant devant chacun des objets, les papillons passant d'un objet à l'autre, les sauterelles effectuant des grands bonds, revenant en arrière, etc. Donc là, j'ai pas pu vous mettre les diagrammes juste parce que c'est un rapport extrêmement difficile à trouver et j'ai pas eu le temps d'aller me retourner le scanner. Mais je vous invite vraiment, si vous le trouvez, à aller lire ça. C'est un texte extrêmement intéressant. Mais donc il y a bien des moyens, il y a bien de la littérature sur ces manières de faire sens un peu des trajectoires des visiteurs. Les modélisations des visitor studies, donc, les modélisations de l'attention qu'elles forgent, ne permettent pas, à mon sens, de rendre compte précisément des façons dont s'opère la relation aux objets exposés. Sur mon terrain de thèse, qui mobilise très largement l'observation ethnographique, à terme, donc dans l'année, je l'espère, va essayer de mettre en place une exploitation statistique de ces observations-là, avec une systématisation des observations, dans la lignée, du coup, des méthodes de timing and tracking, avec une grande inspiration de ces méthodes. Mon terrain, en tout cas les premières parties de mon terrain, révèlent ainsi la temporalité de l'attention des visiteurs. Je travaille donc sur l'appréhension, par ceux qui fréquentent un musée des Beaux-Arts de province, d'une toile de maître extrêmement réputée, un tableau de l'école classique du XVIIe siècle. Si le temps passé devant le tableau peut nous apprendre des choses sur la réception des visiteurs, il s'agit d'un indicateur qui ne va pas s'en poser un certain nombre de problèmes. J'ai une petite description un peu plus longue de mon tableau ici, si ça vous intéresse. Donc, il est très particulier, ce tableau, parce qu'il est, petit, pas très lumineux, pas très remarquable a priori, mais il est signé d'un nom extrêmement célèbre, et par ailleurs, il a coûté très cher, et les gens qui habitent Lyon le savent parfois. Qui fait que ce qui provoque vraiment l'arrêt devant le tableau, c'est le moment où on se rend compte que c'est bien de ce tableau-là qu'on parle, et « Ah tiens, c'est bien ce peintre-là ». Ce qui est extrêmement étonnant, mais il y a assez peu d'arrêts spontanés, d'un intérêt spontané, émergent, pour « Ah oh là là, qu'est-ce que c'est beau ce truc, tiens, qui c'est ?» Donc, voilà. Et donc c'est là-dessus surtout que je vais travailler, c'est-à-dire sur la question de... c'est ce qui m'intéresse, c'est la manière dont l'attention des visiteurs va être attirée par ce tableau, et il va être attiré, comme je vais vous le montrer, notamment par le matériel d'interprétation, c'est-à-dire le cartel, la brochure explicative qui est là, etc. Pourquoi vous ne citez pas le tableau ? Je fais une expérience d'anonymisation. Si vous le voulez, je peux vous le dire après, mais je fais une expérience, je ne sais pas si c'est possible d'anonymiser un tableau comme on anonymise des enquêtés, mais il faudrait le faire, donc j'essaye. On va voir si j'arrive à vous parler du tableau en anonymisant. D'accord. Non, mais je vous le montrerai si ça vous entend. Donc, le temps à agréger, c'est-à-dire le temps passé devant le tableau, nous donne assez peu d'informations dans ce cas-là. On constate donc ce qui converge avec les critiques de l'usage du temps au sein même des études d'évaluation. On constate un certain nombre de problèmes. Si l'on ignore les gens qui ne s'arrêtent pas, on a une distribution... on a une distribution bimodale de la variable. En fait, donc, du coup, si on ajoute, si on prend tous les visiteurs, c'est une distribution trimodale. C'est-à-dire que y a, les gens s'arrêtent soit 0 secondes, ne s'arrêtent pas du tout devant le tableau, soit 2 ou 3 secondes seulement, enfin 2 à 5 secondes, un arrêt très court, soit autour, soit plusieurs minutes. Et ce plusieurs minutes ne concerne quasiment exclusivement que les gens qui ont pris la brochure donc en libre service et la lisent du coup devant le tableau, ou qui sont en train d'écouter les explications de l'audio guide. Mais on a très peu, d'individus qui sont entre ces deux pics-là. Du coup, évidemment, vous voyez le peu d'intérêt de la variable temps, c'est-à-dire faire des moyennes n'a aucun sens. Dans le cas d'une distribution bimodale, la moyenne ne marche que si on a une variable qui suit une loi normale, en gros. Donc ces arrêts plus ou moins longs reflètent moins une attention spontanée, un intérêt spontané pour le tableau, que justement l'usage ou non du matériel d'interprétation. Dont on peut évidemment dire que les gens qui sont intéressés vont aller prendre le matériel et ceux qui ne sont pas intéressés vont partir. Donc en un sens, c'est quand même une question d'intérêt, de préférence, de valeur derrière derrière tout ça, mais on ne peut pas le modéliser à partir du temps. On peut passer 5 minutes devant le tableau, et par ailleurs, donc, on peut passer 5 minutes devant le tableau en ne le regardant pas plus que s'il ne s'était s'agit que de secondes. Et ça, c'est quelque chose, c'est une situation que je vois extrêmement souvent, où les gens passent beaucoup de temps devant le tableau, c'est-à-dire assis sur le banc en face du tableau, à lire la brochure ou à écouter les deux guides, sans pour autant regarder le tableau. C'est-à-dire sans le regarder plus longtemps que les gens qui s'arrêtent 2 à 5 secondes, donc qui serait le cas de figure le plus répandu. Et étonnamment, on comprend évidemment, hein, parce que la brochure mobilise les yeux, comme le regard porté sur le tableau mobilise le regard aussi, donc évidemment il est difficile de faire les deux, sauf qu'en fait on peut lire la brochure et lever les yeux de temps en temps, ce que les gens font très peu. Mais l'audio guide, évidemment, est un outil qui a été conçu par les muséographes pour pouvoir être écouté en même temps que le regard se porte sur le tableau. Or, ce qu'on constate, c'est que c'est très peu le cas. C'est-à-dire les gens regardent ailleurs, leurs pieds, le mur, les autres tableaux, beaucoup. Il y en a beaucoup qui commencent un audio guide devant un tableau et qui ensuite font un tour de la salle, vont dans la salle suivante, parfois reviennent, mais c'est rare. Donc on a une vraie déconnexion en fait entre ces deux pratiques, celles qui consiste à chercher des informations sur le tableau à partir des médiateurs et celle qui consiste à regarder effectivement le tableau. Du coup, donc, il y a cette faiblesse de la variable temps dans si elle est utilisée comme le temps agrégé. Et donc, cette variable me semble extrêmement problématique. Comment constituer le temps passé devant l'œuvre? Comment le reconnaître? Faut-il ne prendre que les instants où les yeux sont posés effectivement sur le tableau, ce qui me semble être un parti pris complètement aberrant, hein, qui ferait fi de la réception effective, qui est une réception médiée par un ensemble de textes, donc les cartels, la brochure, etc. Ce serait donc non seulement infaisable en pratique d'ailleurs de mesurer que les moments où les yeux sont effectivement posés sur le tableau, à moins, il y a peut-être des technologies qui permettent de faire ça, mais aucune que le musée ne permettrait d'utiliser en leur sein, dans ce lieu. Mais surtout, ça ne dirait pas grand-chose des modalités d'appréhension effective du tableau, puisqu'il est empiriquement attesté que c'est à travers ce matériel, plutôt que directement, que les visiteurs le voient. Faut-il prendre en compte le temps d'immobilité dans une zone délimitée devant le tableau, dont on dirait que tous les gens arrêtés dans cette zone sont des gens qui s'intéressent à ce tableau, et ceux qui n'y sont pas arrêtés, ne le sont pas. Mais alors, on ignorerait justement les activités diverses qui ont lieu dans cette zone-là, et qui ne concernent pas tout le tableau, mais certaines, on ignorerait les gens qui le voient d'une autre manière, etc. etc. Le temps, donc... par contre, lorsqu'il n'est pas considéré justement comme un montant révélant une préférence, mais lorsqu'il est analysé comme un indicateur des modalités de réception, peut cependant, à mon sens, s'avérer fort utile. Et donc, c'est ça que les visitor studies oublient, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement d'une variable agrégée. Il n'y a pas dans le temps que le temps passé, mais aussi les étapes de ce temps et leur succession, et l'emploi de ces étapes. Il importe donc non seulement de mesurer le temps qu'un visiteur passe devant un objet, mais aussi la manière dont ce temps se décompose. Si on prend une autre échelle, celle de l'exposition en général, ou celle du musée, non pas seulement le temps passé devant tous les objets, mais aussi l'enchaînement des arrêts et les trajectoires. On peut ainsi en venir à mesurer l'entrée en attention plutôt que l'attention a posteriori. La pratique en train de se faire plutôt que ses résultats. Et il importe alors de saisir réellement les trajectoires des visiteurs, à la manière, par exemple, dont le visiteur passe d'un tableau à un autre, la manière dont les objets attirent leur attention. Et le simple arrêt mériterait d'être décomposé en étapes. Et c'est alors qu'on le considérera comme, non plus comme un tout, mais comme une séquence, et que l'on se demandera dans quel ordre elle se déroule. Et alors, on verra que des choses qui sont confondues par les visitor studies, c'est-à-dire justement le regard porté sur le cartel et le regard porté sur le tableau, peuvent être au contraire étudiées dans une perspective temporelle, diachronique, comme des séquences. Et on pourra alors différencier les visiteurs selon qu'ils passent du cartel au tableau, dans quel sens, et le nombre de trajets qu'ils peuvent faire, justement la manière dont les yeux se lèvent de la brochure au tableau, etc. On en verra donc opérer des allers-retours entre les deux objets, se tourner vers des compagnons, discuter avec eux, le rôle des discussions entre partenaires de visite est extrêmement important, d'autant plus que, encore une fois, ce tableau... de ce peintre anonyme provoque des réactions telles que oh, regarde, c'est le tableau de ce peintre. C'est extrêmement drôle en fait d'anonymiser un tableau, je vais faire ça plus souvent. Et donc l'observation de ces pratiques, la reconstitution de leur enchaînement, enseigne bien plus que sur les modalités concrètes de rapport aux œuvres que la simple mesure du délai entre le début et la fin de l'action. Cela dit, c'est un véritable défi empirique, et je vais conclure là-dessus. C'est un travail empiriquement extrêmement délicat à mettre en place. Les propositions que j'ai avancées aujourd'hui donc, sont issues d'un travail d'observation ethnographique de long cours, mais l'analyse précise de ces séquences est affaire de systématisation donc, de cette observation. La critique épistémologique doit alors servir à enrichir des techniques de production de données. Elle peut consister notamment, à mon avis, en une refonte des grilles d'observation utilisées dans les méthodes de timing and tracking. L'attention à la réception des objets culturels doit alors, d'une part, accroître la sensibilité aux gestes, en justement ne se contentant pas de l'arrêt devant le tableau, mais en différenciant, en codant différemment les activités réalisées devant cet objet, le regarder globalement ou en détail, regarder le tableau ou son cartel, ou regarder autre chose, discuter, lire, parler, etc. Et en respectant, d'autre part, l'ordre de ces activités. Elle doit également, à mon sens, reposer sur l'avancée des techniques de modélisation, en prenant appui, parce qu'on a des techniques pour faire sens justement des séquences en général, en prenant appui notamment, sur l'essor récent dans les sciences sociales de l'analyse de séquences, donc une technique statistique issue de la biologie et qui permet de calculer les distances et les proximités entre des suites ordonnées d'événements, donc par exemple entre des suites d'actions. Une technique popularisée notamment par Andrew Abbott en sociologie qui permet, surtout sur les carrières professionnelles, qui permet de comprendre les similitudes de carrières professionnelles. Enfin, les difficultés de production des données invitent aussi à se tourner vers des techniques d'observation semi-automatisées, à l'image de l'enregistrement vidéo, qui a parfois été mobilisé par les visitor studies, mais toujours dans, dans la même appréhension donc, du temps global et jamais dans des approches de séquence. Et donc je crois, comme cette phrase figurait dans mon appel à communication, que c'est la raison pour laquelle je suis dans une session consacrée à la vidéo, alors que je vous en parle très peu. Cela dit, l'enquête assez fameuse donc, de Véron et Levasseur, celle dont j'ai parlé sur l'ethnographie de l'exposition, mobilise de telles techniques, hein, enregistre des visiteurs, et ensuite leur montre leur parcours de visite, discute avec eux, et puis surtout modélise des trajectoires à partir de ces enregistrements. De manière très, très, très intéressante. Et je pense qu'elle est riche d'enseignements pour les études de public actuelles. Voilà, je vous remercie de votre attention. Comme tu veux, si tu veux. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est caché derrière et tout ce qu'on pourrait en faire. L'intérêt de la recherche, c'est ça, c'est que ça suscite effectivement, on se dit, ah bah tiens, maintenant, allez, il y a un autre, on commence à le ranger, on veut aller derrière les invariables de l'humeur des gens. Enfin, je sais bien qu'on n'est pas au 23e siècle encore. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça ouvre effectivement tout un champ. Enfin, ça me semble, tiens, pourquoi je vais là, pourquoi je vais pas ici? Pas simplement le fait de passer plus de temps, comment l'objet est mis en scène et participe ou non, justement, du temps qu'on y consacre. Si on met une guillotine à l'entrée d'une certaine exposition à une époque à Orsay, on passe du temps devant, mais on la met parce qu'on la met en scène, parce que ceci, parce que cela, ou suivant les personnes qu'on peut éventuellement rencontrer qui rentrent en notre motivation. Allez, moi, c'est ça qui m'intéresse, est-ce que c'est envisageable ou est-ce que c'est déjà, ça commence à être travaillé, ne serait-ce qu'à la petite session. Dire, tiens, on va aller le croiser, vous avez parlé de biologie, de ces choses-là, d'aller plus loin, pas les jeux de neurosciences, mais presque, de se dire, est-ce que c'est envisageable, est-ce que c'est déjà travaillé, parce que je ne connais pas du tout, est-ce que c'est esquissé, est-ce que ça aura un quelconque intérêt, si ce n'est que le fait du jeu, de complexifier la chose, mais voilà, de faire rentrer des éléments qui n'apparaissent pas comme ça, naturellement. Son propre comportement, les allers-retours, tiens, finalement, je me suis arrêté là, j'ai fait mon petit tour, je reviens parce que celui-ci va me questionner par rapport à ça, ou cette personne, elle est pas mal, j'aime pas le tableau, mais je vais quand même aller voir, on sait jamais. Enfin bref, toutes les choses qui sont pas... Je sais pas comment les exprimer. Observable. C'est pas que c'est pas observable, c'est qu'on a peut-être pas encore les outils pour le faire, ou la complexité de la chose rend difficile. Mais est-ce que ça commence à être travaillé, ça? Une autre chose que je citais dans ma proposition, c'était Clifford Geertz et son texte fameux sur la description dense, la thick description, et sur le fait que toute description ethnographique, je ne suis pas fan de Geertz, mais là je crois qu'il a tout à fait raison, toute description ethnographique est une interprétation d'interprétation. Et je crois qu'il y a de ça, c'est-à-dire après la question, évidemment, c'est la question de l'ethnographie en général, c'est-à-dire il y a ce qu'on observe, et il y a ce qu'on fait de ce qu'on observe, et il y a un moment donné où ce qu'on fait, c'est des hypothèses sur les raisons, les manières dont les gens se comportent effectivement. Qu'on peut rendre les plus robustes possibles en multipliant les observations, en les confrontant avec des entretiens, c'est-à-dire avec un ensemble de matériaux, quoi. Enfin, ce que je ferai dans ma thèse, que d'autres ont fait avant moi, hein, je ne suis pas du tout le premier à travailler sur ces sujets-là. Donc oui, effectivement, il y a ce problème-là. C'est pour ça que justement l'observation ne peut pas être la méthode exclusive d'enquête. Mais je crois que c'est vrai dans tous les cas, quoi, parce qu'il faut arriver à en faire ça. Il y a des travaux de sciences cognitives sur ces questions-là. Il y a j'ai oublié son nom, Green, un professeur extrêmement connu d'histoire de l'art, qui est passé aux sciences cognitives et aux neurosciences. J'arrive plus à trouver son nom, et qui depuis des décennies travaille sur la perception de la couleur, la manière dont une couleur particulière dans un tableau particulier fait que les gens s'arrêtent plus devant, par exemple. Enfin, lui, pas du tout au sens de l'évaluation des musées, hein, au sens vraiment, il fait des expériences, des choses comme ça. Donc ça existe aussi, et c'est évidemment des choses qui sont complémentaires avec ce que la sociologie peut en montrer. Mais après, oui, la question de l'observation, je pense, elle est très pertinente, et en même temps, elle est travaillée par toute l'ethnographie, toutes les sciences sociales, en fait. Voilà, c'est-à-dire de complexifier encore plus la machine, même pas à la rigueur. C'est vrai, quand je disais le jeu, c'est vraiment ça, c'est même pas d'avoir un résultat à la fin pour après pouvoir le modéliser. Bien entendu, il paraît-il que c'est l'objet de la science, enfin l'objectif de la science, mais quand même, pour cet intérêt-là, de dire, ah ben non, allez, je rajoute une couche et je vais chercher ça. Un peu comme l'idée que vous parliez du cinéma, c'est effectivement, c'est autant d'y aller, il y a tout le temps de la mise en scène, d'arriver dans la salle, enfin dans la salle, quand on n'est pas dans un supermarché, mais dans la salle, d'ailleurs, la position, les choses qui ne se passent pas, même système, c'est comme le cadre, ce qu'on ne voit pas, ce qui revient du sens presque sensible, ouais. Là, mais qui participe à tout ça, d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est un intérêt quasiment exclusif de la sociologie de la culture, puisque justement, les autres sciences de la culture, enfin des objets culturels, vont avoir tendance à les extraire souvent de leur contexte. Parce que ce sur quoi on travaille quand on fait de la sociologie de la réception, c'est justement la manière dont c'est différent de regarder un texte, un film dans son salon, ou dans un cinéma, ou dans sa cuisine en mangeant, ou je ne sais quoi. Et la manière dont, évidemment, je peux vous montrer en fait l'image, je pourrais vous montrer l'image du tableau sur lequel je travaille, et évidemment que votre réception serait complètement informée par le fait, enfin complètement inscrite dans le contexte qui est là, qui n'est pas du tout celui d'un musée, qui est celui d'un colloque, etc. etc. Et donc ces questions-là, du coup, de posture, d'attitude, de tout ce qui se passe, bon, de tout ce dont on a l'impression qu'il se passe autour de l'expérience esthétique véritable et qui donc n'en fait pas partie, donc on pourrait l'extraire quand on fait une étude de l'expérience esthétique, et qui, à mon sens, au contraire, la constitue complètement, sont les objets privilégiés de la sociologie et l'ethnographie de la réception. Donc oui, effectivement, c'est complètement... Enfin, vous cernez bien, c'est complètement l'objet sur lequel on travaille et qu'on essaye, et avec toute sa complexité, évidemment. Enfin, tout le problème, c'est justement que c'est des choses très, très difficiles à saisir. Donc, on vous disait rendez-vous... C'était ça, tu disais rendez-vous au mois de juin pour, donc moi, je prends rendez-vous pour le 23e siècle, là, parce que là, ça va être quelque chose d'assez rigolo à suivre, quand on pourra mélanger tout ça. Des choses sérieuses pour toi, alors. Alors, moi j'ai pas, enfin voilà, la réception, j'ai un petit peu abordé moi dans mes propres travaux, mais pas du tout de la même manière que ce qui a été présenté là, et puis pas avec la même érudition du tout. Donc du coup, moi j'en reste à une vision très classique de la question de la réception, qui notamment laisse une place à l'intentionnalité. Alors, je pense que c'est la question classique qu'on vous pose toujours à chaque fois, mais du coup l'intentionnalité de la personne voilà, qui est face à cet objet ou à ce dispositif, hein, est-ce que dans les visitor studies elle est traitée quand même parfois, ou est-ce que c'est volontaire et elle n'est pas traitée? Donc je pense à Merleau-Ponty, je pense à voilà, à ce qu'on nous a dit quand même sur la réception de l'art, etc., et qui là, apparemment, selon moi, a complètement disparu au XXe siècle. Alors, peut-être que vous allez me dire que c'est pas vrai, mais voilà, première question. Et deuxième question, pourquoi pas plus d'interdisciplinarité dans le parcours là, épistémo qu'on a fait? Je le trouve très sociologico-centré, je sais pas comment le dire. Il n'y a pas beaucoup de références à, justement, aux travaux de la neuroscience, mais ça c'est un peu pour moi la tarte à la crème aujourd'hui, mais plutôt les travaux de la psychologie de l'environnement. Je suis un peu gênée qu'il n'y ait pas de référence aux sites comportementaux de Becker, à plein de techniques d'observation qui ont pu être utilisées dans des musées, mais aussi dans d'autres types de lieux. Hein. Et donc voilà, est-ce qu'on ne peut pas ouvrir à d'autres disciplines que les visitor studies et jusqu'où ça emmènerait, parce que j'ai l'impression quand même que le... Bon, en tout cas, la psychologie de l'environnement fait du lien entre intentionnalité et comportement. Notamment parce que ça appartient à la psychologie, hein, donc forcément, voilà. Mais du coup, voilà, je suis un peu gênée par l'idée que cet individu-là et ses objets, ils sont pas tellement incarnés. Et donc, comment on fait pour les incarner, ou est-ce que c'est pas du tout l'objectif de votre travail, hein, parce que c'est peut-être ça aussi. Hein. Parce que moi, du coup, enfin, pour parler de moi, première chose, je sais plus quoi, deuxième chose, on parle de ça. Moi, j'ai étudié la réception en ne travaillant quasiment que la question de l'intentionnalité. Enfin, j'ai aussi observé des dispositifs, mais aussi fait très classiquement, en fait, comment dire, un entretien réactivé par le visionnage voilà, d'un dispositif sur les projets urbains, etc. Donc, du coup, je me dis pas... Enfin, moi, ça m'interpelle, en fait, là pourquoi on ne fait pas de l'entretien? Et pourquoi? Et aussi, autre chose, c'est quoi les apports de l'in situ? Parce que là, vous dites, oui, du coup, dans le musée, on ne m'autoriserait pas à faire, je ne sais pas, moi, mettre en place une caméra 24 sur 24 qui tourne sans que les gens le sachent, ou bien, éventuellement, je ne sais pas, moi, des puces, je ne sais quoi, des GPS, ou des trucs comme ça. La troisième, vendre une future collaboration. Ah oui, troisième chose. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça changerait si on le faisait en laboratoire? Parce que les psychologues, ils le font aussi. Ouais. Hein, alors, je ne dis pas, vous n'auriez pas le tableau dans votre labo, ça c'est clair, on ne vous le prêterait pas. Mais à la rigueur, pourquoi pas mettre des gens face au tableau pour interpréter leur comportement, ce qu'ils regardent, ce que font aussi les psychologues de la cognition, là. Ils regardent où va le regard dans une image, etc. Ouais. Ils arrivent à mesurer ça, etc. Donc, j'imagine bien que c'est pas vers ça que vous voulez aller, mais du coup, c'est quoi l'apport de l'in-situ et où est l'intentionnalité? C'est mes deux questions. Mais je crois qu'en fait, vous avez donné la réponse. C'est très bien, ah. Ça m'évite de parler de moi. Parce que, en fait, la première, dans. Merci pour le complément d'érudition, mais je ne crois pas du tout que mon approche soit très érudite. Justement, elle est très ancrée dans une discipline, dans une tradition. Et je vais voir ailleurs. Parce que je suis assez peu satisfait par l'état de cette discipline, hein, de la sociologie de la réception, même si je la trouve extrêmement intéressante. Il y a beaucoup de manques. Cela dit, je vais voir ce que je peux aller voir. Du coup, j'ai assez peu travaillé pour l'instant les textes d'esthétique plutôt classique, d'approche philosophique, de la réception, de la perception, disons, artistique, aussi parce que c'est pas ma formation. Peut-être parce que Wittgenstein m'a convaincu que ça ne servait à rien, mais il faudrait que j'aille, je passe outre son, enfin ouais. Voilà, que je m'arrête pas à l'autorité du maître et que j'aille voir un petit peu quand même. Donc du coup, je suis pas encore allé voir du côté de la philosophie, mais enfin, je veux dire, c'est vraiment un gros morceau et ça demande du temps, et la recherche empirique, ça prend du temps aussi. Du coup, bon, il y a toujours ce souci-là. L'interdisciplinarité, c'est c'est pareil, c'est sur ma liste de lectures à faire. Les textes, d'ailleurs, j'en ai plein sur mon ordinateur, hein, les textes de psychologie de la perception que j'ai pas encore eu le temps de lire. Cela dit, c'est des trucs évidemment que je vais aller lire. L'approche psychologique de l'expérience esthétique, je l'ai lue, intégrée. Elle m'a notamment parce qu'elle est intégrée de toute façon dans les visitor studies, et elle m'a permis de définir un petit peu de manière très intéressante ce qu'est la conception savante, le genre de sens commun savant de ce que doit être l'expérience esthétique. Et je pense surtout au bouquin de celui dont on ne prononce pas le nom, puisqu'il est imprononçable, donc Csikszentmihalyi, donc CZ, le psychologue hongrois qui travaille aux États-Unis, qui a beaucoup écrit sur le flow et la perception, qui a un bouquin sur l'expérience esthétique et qui définit très bien ce qui, à mon avis, est plutôt. Un sens commun, justement, qui est très partagé par les muséologues et par les gens qui travaillent dans les musées, ce qui est très intéressant, et aussi, en fait, par les visiteurs. Ce que je vois quand je fais des entretiens, c'est que les visiteurs me disent, tout le monde, tous les visiteurs, sans exception, se trouvent incompétents pour regarder le tableau. Ils me disent, non mais faut pas me demander à moi, je sais pas faire, je sais pas regarder vraiment un tableau. Il faudrait que j'ai un regard... ils voudraient tous avoir un regard à la fois vierge de toute connaissance, pour avoir un regard pur, et en même temps informé du contexte de production de l'œuvre, de l'auteur, de sa vie, des autres œuvres qu'il a produites, etc. Donc il y a cette contradiction fondamentale dans les discours qui est assez intéressante d'étudier et qu'on retrouve en fait dans les travaux de psychologie de la perception. Donc d'une part, ça en fait partie du coup de mon corpus par ça, ça m'a donné aussi de l'inspiration évidemment, et je le réintègre aussi parce que cette psychologie-là, elle a pu avoir une influence sur l'ergonomie, mais aussi du coup sur la sociologie pragmatiste, qui est une de mes sources d'inspiration, que je cite pas, enfin que j'ai pas cité hein, explicitement, mais je me suis limité un peu en citation aujourd'hui, mais je travaille beaucoup notamment avec des gens qui, avec des joséphiens, enfin des gens qui travaillaient avec Isaac Joseph il y a 10 ans, et Joseph a écrit des choses sur l'attention distribuée, sur enfin voilà toute la sociologie du travail, de la sociologie de l'activité, fait des choses comme ça, et c'est c'est une source d'inspiration qui elle-même a intégré en fait tous ces travaux-là. Donc elle n'est pas si absente que ça. Donc pour revenir à la question de de l'intentionnalité et de l'in situ, elles sont liées à mon sens. C'est-à-dire que l'intentionnalité, serait à la fois une. Que c'est pas ma tradition, c'est pas ma formation, et puis c'est aussi une chose sur laquelle je me sens pas forcément compétent, d'une part. Mais aussi, d'autre part, l'état de la littérature actuelle, c'est qu'il n'y a que ça dans la réception. C'est-à-dire que l'étude de la réception, c'est quasiment exclusivement de l'étude de l'interprétation. Donc, c'est-à-dire qui considère l'objet comme un texte, donc tout objet culturel est un texte, tout visiteur, tout récepteur culturel est un lecteur qui lit un texte en lui appliquant un code, qui lui est propre, qui est déterminé, alors là, selon les disciplines qui s'intéressent à ça, par sa personnalité, par sa socialisation, par son éducation, par sa classe sociale, etc. etc. Mais on trouve ça de Stuart Hall à Pierre Bourdieu, en fait, et dont pourtant je me situe plutôt dans le cadre de la sociologie bourdieusienne, mais il y a cette limite aussi chez Bourdieu. Et du coup, il n'y a jamais tout le reste, c'est-à-dire il n'y a jamais la part... En gros, j'ai l'impression que les études de la réception ne mesurent que ce qu'elles peuvent mesurer, qui est les discours d'interprétation des œuvres, et ne se posent pas la question de savoir si ça, c'est vraiment la réception. Or, ce qu'on voit, c'est que moi, j'ai commencé par faire des entretiens, et je fais encore beaucoup d'entretiens, j'en parle moins parce que ça me semble moins intéressant dans mon travail de thèse. Ce qu'on voit dans les entretiens, c'est que les gens n'ont rien à dire. Et j'ai des refus d'entretiens enregistrés, parce que je commence, maintenant j'ai appris à commencer mon dictaphone avant de faire l'entretien, et j'ai des refus d'entretiens enregistrés géniaux, je pourrais faire un chapitre sans doute là-dessus. Des refus géniaux où les gens me disent mais vous pouvez pas me poser moi je sais pas pourquoi je me suis arrêté, je peux pas vous répondre, je suis pas compétent, etc. Et ce thème là revient extrêmement souvent, le discours sur les œuvres, et il y a très peu de différence entre les discours des différentes personnes, même quand on prend des niveaux de compétences artistiques extrêmement divers, il y a très peu de différence dans ce qu'ils disent, il y a très peu de différence dans les interprétations. Par contre, il y en a beaucoup dans les comportements, et du coup ça c'est quasiment jamais étudié. La sociologie pragmatiste du goût, donc Antoine Aignan par exemple, commence à faire ça. Ils font ça quand ils étudient le verre levé, le verre de vin, la tête au, la tête du... Je le fais très bien, du spectateur du concert de rock, donc headbanging, comme on dit. Je ne le ferai pas pour le hard rock, hein, c'est trop difficile. Ils le font pour ça, et en même temps, ils retombent toujours sur les pattes de l'entretien, et à la fin, ils retombent toujours là-dessus. Et donc, de l'entretien ou de l'interprétation. D'accord quoi. Avec ouais, l'idée, c'est pas la même chose l'intentionnalité. Enfin, moi, quand je pose la question de l'intentionnalité, nous, on a le même problème en géographie aménagement qui est de demander aux gens d'avoir un discours sur leur pratique spatiale. Et la première chose est de dire mais j'en sais rien, moi, j'y ai jamais réfléchi. Sauf qu'en entretien, on peut les amener à interpréter. Alors, il faut outiller l'entretien. C'est clair, on ne peut pas juste, voilà. Et donc, du coup, je pense qu'on ne peut pas se dire juste « je ne m'intéresse pas à la technique de l'entretien » parce que les gens la refusent. À mon avis, on peut mêler de l'observation avec de l'entretien. Oui, oui. Enfin, non, mais j'en mêle. Enfin, je veux dire, j'en son fait, entretien, etc. J'y ai beaucoup réfléchi. Après, il y a un problème méthodologique, c'est que les entretiens que je peux faire au musée sont très courts parce que les gens n'ont pas de temps à donner. Et la question de l'in situ, c'est pareil, c'est le refus de l'expérimental. C'est-à-dire, et ça c'est un enseignement de Passeron, on peut faire de la sociologie de la réception que sur on peut n'étudier que les réceptions empiriquement attestées. Je ne peux pas mettre des gens qui auraient pu ne pas s'arrêter devant le tableau, les mettre devant le tableau et leur demander qu'est-ce que vous en pensez, parce que justement, ils ne se seraient pas arrêtés devant. Donc ma question, c'est, je peux étudier que ceux qui s'arrêtent effectivement devant. Et par ailleurs, j'étudie justement la réception... C'est pas justement, pour les raisons que j'ai dit, l'importance du contexte, etc., c'est pas la même chose de mettre les gens devant une reproduction. Enfin, ou même, c'est même pas la question reproduction et tableau véritable. Là, à mon avis, je pense que c'est les artistes qui ont un fétichisme de l'œuvre unique. Enfin, voilà, je pense que les gens voient la même chose dans la reproduction et dans le tableau. Mais c'est pas la même chose quand même de le mettre dans un laboratoire de psychologie ou de sociologie, là, dans une salle de classe, enfin, je projette ça au tableau, et de le voir dans le musée, qui est un moment situé dans la vie des personnes, où ils font une balade le dimanche après-midi, ou enfin bon voilà, c'est, on mesure quelque chose de complètement différent. Donc, après je vois, enfin sur la question de l'intentionnalité, je vous suis, il faut que je travaille plus, même s'il y a sans doute des divergences de vocabulaire, je vois très bien ce que vous voulez dire, effectivement c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Mais après, le fait est qu'il y a cet angle mort de la sociologie, enfin des études de la réception en général, qui est ce que font les spectateurs distraits. Il y a ça un peu sur la musique, il y a des textes qui parlent sur les bruits de la ville, l'attention au bruit dans la ville, la manière dont on se guide par rapport à ça, qui est en sociologie, en méthodologie, etc., qui est intéressant, qui commence un peu à travailler ces objets-là, mais globalement c'est ignoré, alors que les usages distraits faibles des produits culturels sont c'est notre quotidien, quoi. Enfin, je veux dire, regarder des séries d'un œil en faisant autre chose, lire un bouquin dans le métro et puis en sollicitant plein d'autres trucs, écouter de la musique en faisant autre chose, enfin, c'est des choses que les gens font en permanence et qui est pas étudiée. Donc voilà, du coup c'est un choix scientifique, parce que... Non mais ça, moi je suis tout à fait convaincue de ne pas faire d'expérimentation, mais je trouvais que c'était important quand même d'en discuter un petit peu. Ah oui, je suis carrément de votre avis. Et du coup, je voulais vous conseiller, parce que je pense que la lecture d'une thèse d'une géographe, enfin même pas une géographe, une architecte, non, c'est pas la même, qui s'appelle Anne Bossé, B-O-2-S-E. Donc qui est en fait, elle a fait sa thèse avec Michel Lussault, et Michel Lussault c'est un géographe pragmatiste. Donc je pense que sa thèse traite de l'expérience de la visite, alors dans différents espaces urbains, dans des temporalités qui sont vraiment pas des visites de musée, hein. C'est tout sauf ça, ça peut être la visite d'une centrale nucléaire, la visite d'un appartement, etc. Et je pense, à mon avis, que... Bah, je sais pas, je l'ai pas lu, en fait. Hein, mais je me dis... je pense que ça permettrait pour vous de dire l'espace... Enfin, en fait, parce que du coup, cette idée de prendre la visite, donc l'expérience courte d'un espace qu'on ne connaît pas, hein, du point de vue d'un géographe qui travaille sur le rapport, enfin il y a toute une littérature sur le rapport à l'espace, comment ça se construit avec le temps, avec la mémoire, etc., la pratique répétée. Là, d'un coup, on prend un objet qui est très particulier, une pratique très particulière, et du coup avec une méthode pragmatiste, etc. Mmh. Donc je me dis, bon, ça peut être une thèse qui vous intéresse. Et si vous faites une fiche de lecture, je veux bien la voir. D'accord. Non, mais merci pour ces conseils. Moi, j'ai une question aussi qui est en lien avec l'intitulé, le contexte et avec le temps. Bon, j'ai trouvé ça super intéressant, ta proposition et du coup le temps, trajectoire, séquence, etc. Et en lien à ça, alors si j'ai... en fait, ça me vient une question et je voulais savoir si tu la mettais en œuvre dans ton travail. Parce que tu as parlé donc de trajectoire et de séquence de l'individu consommateur, de ce tableau, de l'œuvre, etc. Et je me demande en fait dans quelle mesure tu prends en compte donc non pas uniquement le rythme de la personne consommatrice, mais aussi le rythme du musée. Et en fait, la vie du musée, aux heures d'affluence les plus fortes, ou alors parce que je pense qu'on a... Voilà, aussi pas le même comportement quand la salle est pleine, et du coup on va peut-être être plus sauterelle en allant vers les endroits un peu plus vides, etc. Et donc, voilà, c'est aussi la question du temps, mais vu sous le temps du contexte, en fait. Bon, moi je trouve ça passionnant, j'aimerais le faire. Je pense que je pourrais pas. parce que c'est parce que ça s'éloigne trop de mon objet tel qui est censé être ce tableau, etc. etc. Donc de toute façon, en gros, je vais me limiter à cette salle dans laquelle il est. Et parce que j'ai beau réfléchir, en fait, mon objectif, c'était de systématiser l'observation, donc avec une grille d'observation extrêmement précise, en faisant usage de la caméra, si j'arrive à négocier ça au musée. Donc c'est encore... Enfin, voilà, je suis en plein temps, c'est compliqué. Je voulais prendre en compte le plus de choses possibles, dont justement la population de la salle. Et effectivement, il y a vraiment des... Enfin, ça joue vachement sur les manières d'accorder de l'attention à des objets ou pas. De manière en plus, vraiment très drôle. C'est-à-dire, si, imaginez, dans une salle... Le musée des Beaux-Arts de Lyon n'est pas très fréquenté. Dans une salle, si vous êtes dans une salle, il y a une personne dans la salle, elle est devant un tableau. Vous allez regarder tous les tableaux sauf celui-là. S'il y a deux personnes dans la salle qui sont devant ce tableau-là, c'est le premier que vous allez voir. Non, mais vraiment, c'est-à-dire, en gros, s'il y a très peu de gens devant un tableau, on le saute, parce que c'est une forme, c'est ce que Goffman dit, c'est l'inattention civile chez Goffman, ça fait partie des règles de comportement, de vie ensemble, etc. Si on a plusieurs, ça veut dire que c'est un tableau qu'il faut voir, quoi. Parce qu'il y a deux personnes qui sont devant. Il y a même 3, 4, 5, enfin bon, voilà. Et donc, vous avez, c'est des phénomènes extrêmement drôles, qui font aussi que... si vous trouvez pas, si vous savez pas où est la Joconde, ou si vous savez pas où aller au Louvre, c'est simple, hein, il suffit de suivre les autres, ils sont tous arrêtés devant les trucs qu'il faut voir, qu'on ajoute. Donc il y a ce phénomène-là qui est vachement intéressant. Mais le problème, c'est sa saisie, c'est de le saisir statistiquement, par exemple. J'ai pas résolu les problèmes techniques pour le faire. Donc j'en parle ethnographiquement, c'est-à-dire à partir de ce que je constate, je vois que selon le degré de remplissage de la salle, les gens se comportent un peu différemment. Et effectivement, quand il y a beaucoup de gens devant le tableau, ça en attire d'autres. Donc ça, c'est très clair. Mais j'ai du mal à aller plus loin que ça. Mais ce serait super intéressant de faire des trajectoires dans tout le musée, de faire des trucs. C'est... voilà. À 5-10 ans, quand j'aurai la confiance de musée, de grand musée, j'essaierai de faire ça. Mais... Enfin, si je suis encore sociologue. C'est un autre problème hein, qu'on a quand on est docteur. Donc voilà. Mais ouais, c'est super intéressant, c'est vraiment quelque chose de passionnant. C'est dommage que ce soit une fusil très lourd, mais l'oculométrie, moi je pense que ça ne marchait pas du tout sur ce que tu regardes. Non. C'est une oculométrie invisible, tu vois, un truc ultra léger, donc ça c'est le 23e siècle, ce serait hyper intéressant. Moi j'ai une question sur le choix du tableau en fait. Ouais. Pourquoi ce peintre, entre guillemets, parce que tu as montré la définition de tableau, et du coup tu as énormément de paramètres là-dedans. Il me semble, en gros, tu as choisi un objet qui a énormément de paramètres, donc qui est vachement. Donc tu dis les gens peuvent venir parce que c'est un type célèbre, parce que apparemment ça coûtait très cher et j'imagine le progrès à Lyon a écrit des articles de la qualité dont il a l'habitude. Il y en a même dans Lyon Capital. Ouais. Bah, voilà quoi. Et puis les petits, ouais. Apparemment banal, il faut une culture chrétienne. J'ai l'impression que si tu veux, tu aurais pu choisir un objet plus banal et du coup. À la rigueur, ça m'apparaît limite en contradiction avec ton propos sur l'observation des usages faibles. Non. Non, mais je vois ce que tu veux dire, mais il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, je commence toujours... Tout le monde me demande pourquoi tu as choisi ce tableau, et je commence toujours par dire l'explication pragmatique. Il y a une thèse qui a été financée sur la réception de ce tableau. Du coup, j'ai un financement de thèse. Voilà, il y a un côté très pragmatique à ça. Cela dit, en faisant mon projet de thèse, j'ai quand même réfléchi au truc, et il se trouve que moi, je considère au contraire que c'est le tableau idéal pour faire ce genre d'enquête. Justement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que... On vit dans un monde largement déchristianisé, où les gens ont plus tellement de culture religieuse, donc ils ont du mal, donc ils vont avoir du mal à l'interpréter. Oui, la connaissance des figures est peut-être moins... Oui, non, mais il y a la connaissance des figures, mais après, il y a les scènes. Enfin, je veux dire, la connaissance de l'histoire de l'art, c'est très largement une connaissance iconographique, et en fait, une connaissance des scènes de la Bible, etc. Il y a des scènes qui font partie de la culture commune. La scène, justement, typiquement, donc le dernier repas. Et mon tableau est en face, c'est super intéressant, il est en face d'une scène de Philippe de Champagne. Là, je ne l'anonymise pas. Une grande scène, tout ça, super, voilà, extrêmement brillante. Et les gens vont voir cette scène, mais ne vont pas voir mon tableau. Parce que, justement, ils sont attirés par cette... on la reconnaît, on la comprend quoi. Donc voilà, donc il y a ce côté en fait, le côté un peu banal du tableau et en même temps qui provoque l'arrêt parce que justement c'est un tableau célèbre, me permet me permet de comprendre un petit peu finalement ce qui est la bonne volonté culturelle, quoi. C'est-à-dire, les gens s'arrêtent un petit peu forcés devant en se disant, mais quand même, ce truc, enfin, ça coûte cher, c'est un tableau qui est visible, enfin, si ça coûte cher, c'est que c'est beau quand même, c'est que c'est important pour des tas de gens, quoi, s'ils l'ont payé aussi cher. C'est, enfin voilà, et pourtant, et puis je connais l'auteur, et c'est un grand auteur, enfin, c'est, évidemment, c'est un grand peintre, je suis incapable de citer ce qu'il a fait, mais c'est évidemment un grand peintre, etc. Et pourtant, devant ce tableau, on ne sait pas quoi regarder, quoi. Et moi, je trouve que cette dissonance-là est super intéressante, parce que, non seulement elle est intéressante, mais elle n'est pas du tout, c'est pas du tout un cas unique. C'est-à-dire, évidemment, si j'avais étudié des tableaux impressionnistes, j'aurais pas du tout eu ça, parce que c'est une esthétique dont les gens sont très familiers, que tout le monde adore. Enfin, moi, je demande aux gens, hein, ce qu'ils aiment comme peinture, tout le monde me répond, moi, vous savez, c'est l'impressionnisme, Monet, tout ça. Moi, ça plaît à tout le monde. Donc, voilà. Donc j'aurais pas eu du tout eu ces trucs-là. J'aurais eu des gens qui me disent, ah oui, mais qu'est-ce que c'est beau quand même, ces couleurs. Donc voilà. Et ce que j'étudie, ce que je trouve sur l'art classique du XVIIe siècle, je le vois là dans mes pratiques personnelles, parce que je peux pas travailler sur tous les arts à la fois, mais c'est des trucs qu'on revoit au musée d'art contemporain, en fait, où on a des situations vraiment similaires, quoi. Vous avez Damien Hirst, je sais pas pourquoi. Ah mais oui, mais ça coûte cher, c'est un mec connu, tout le monde en parle dans les médias, l'expo était affichée partout, puis là je suis arrivé dans ce truc et... Pourquoi, quoi? Et en fait, les réactions qu'on a devant l'art contemporain sont très similaires à celles qu'on peut avoir sur le tableau que j'étudie. Et ça m'intéresse beaucoup, justement, parce qu'il me semble que c'est un usage faible, au sens de... ça attire beaucoup des gens qui ont envie de comprendre et qui ont du mal à comprendre ce truc. Et cette dissonance-là m'intéresse particulièrement, justement parce qu'en fait, du coup, on ne peut pas réduire la réception à un intérêt déclaré pour l'œuvre. C'est pas genre un intérêt préalable, les gens de toute façon aiment ça et donc vont le voir, quoi. Là, c'est pas le cas. On s'arrête devant, mais le fait est qu'ils s'arrêtent devant, quoi. Le fait est qu'ils s'arrêtent devant et il y a des raisons à ça. Et pourtant, elles ne sont pas esthétiques, quoi. Du coup, ça me permet aussi de dire, justement, de contrer un peu... C'est-à-dire qu'encore une fois, sur plein d'autres objets, on m'aurait dit, les philosophes auraient toujours eu la parade ultime qui est « Mais oui, les gens s'arrêtent parce que c'est beau. » Mais enfin, par ailleurs, les philosophes vont le considérer comme très beau. Enfin, voilà. Mais là, ils ne peuvent pas dire ça, quoi. On ne peut pas dire ça. L'objection ne passe pas. Et du coup, ça me permet de faire cette enquête-là, d'étudier l'attention et la manière dont elle se distribue, pour laquelle... si j'avais été sur un autre tableau, j'aurais dû commencer par combattre cette idée que c'est nécessairement la qualité esthétique du tableau qui fait s'arrêter. Mm-hmm. Et là, j'ai pas ce problème. Donc, ça m'économise des centaines de pages, quoi. Donc, c'est un tableau petit, moche, que tu étudies, que tu fais vachement cher. C'est ça que tu nous dis. Moche, non. C'est un tableau qui ne correspond pas aux critères esthétiques contemporains. Enfin, voilà. Il y a ça. C'est un peintre dont les pigments ont vieilli. Beaucoup plus que d'autres. Enfin, ça, c'est des contingences techniques. Donc, c'est des couleurs qui sont beaucoup plus fades maintenant, qui ont vieilli, qui sont passées, etc. Donc, évidemment, ça attire un peu. C'est un peintre très ésotérique qui fait des tableaux extrêmement travaillés, géométriquement, avec des tas de symboles. Il y a des symboles partout. Mais évidemment, les symboles religieux du XVIIe siècle, ça passe au-dessus de beaucoup de gens, quoi. Voilà. Donc, ce qui est logique. Et mais ils cherchent à... Et en fait, ça me permet d'avoir une réaction qui est fantastique, qui est que quand je demande aux gens, enfin, donc, du coup, je leur demande, mais vous en pensez quoi, tout à l'heure, etc. Et je vais avoir... Tout le monde va se positionner par rapport à la valeur qui est accordée par les institutions au tableau. Donc, tout le monde va me dire... Enfin, souvent, on va me dire, bon, il me plaît pas spécialement, machin. Mais il est intéressant. Il est intéressant pourquoi? Parce que s'il est là, c'est qu'il y a des raisons. Et ces raisons, très souvent, c'est il y a un sens caché. Mais ce sens, je ne peux pas le saisir. Mais je sais qu'il y a un sens caché, parce que je sais que cet auteur cachait des trucs, parce que je vois qu'il y a des symboles, je vois qu'il y a des trucs. Et donc, il doit valoir quelque chose à cause de ce sens caché-là. Mais du coup, c'est une manière de... Donc, en gros, on dit, moi, j'ai pas l'explication, mais je sais qu'il y a les gens qui décident de ces achats, finalement. Eux le savent, et ils ont de bonnes raisons de faire ça. Moi, je ne crois pas que les gens décident des achats avec beaucoup plus de bonnes raisons et le comprennent beaucoup plus, mais le fait est qu'il y a ce discours-là qui est vachement intéressant. Et justement, les gens ne peuvent pas se rabattre sur le vocabulaire esthétique. Ils ne peuvent pas me dire « Mais oui, mais évidemment, mais vous ne voyez pas, c'est beau, regardez ces couleurs. » Ils ne peuvent pas me dire ça. Parce que, enfin, voilà. Et par contre, je pense pas du tout que ce soit un cas unique, quoi. Je pense que c'est très répandu dans la peinture classique et dans la peinture et dans l'art contemporain dès qu'on s'éloigne des goûts dominants, quoi, qui sont encore une fois les goûts de l'impressionnisme et du post-impressionnisme. Enfin, et des tableaux romantiques et tout ça. Et on pourrait pas, non ? Vous le voulez, ouais. C'est pour conclure la journée des jubilés. Et le tableau était. Non, vous êtes... ah, est-ce que quelqu'un a deviné tiens, l'auteur ? Non. Quelqu'un à qui je l'ai pas dit hier ? Mm-hmm. Ah, attendez. Après, il suffit de taper mon nom sur Google. Hein, sinon. Alors, thèse. La fuite en Égypte de Nicolas Poussin. Je sais pas comment mettre en plein écran, mais là. Qui fait, il fait 1m30 de large par 90, enfin 81 mètres en gros de haut. Et donc c'est une fuite en Égypte. C'est une fuite en Égypte. Voilà, je sais pas si on a d'autres choses à dire. Qui du coup est pas. Enfin, c'est quelque chose qui est très représenté hein, dans l'iconographie chrétienne, la fuite en Égypte. Donc ça parle immédiatement aux spécialistes de l'art. Cela dit, pour le, encore une fois, pour le visiteur commun, c'est quelque chose dont soit on a entendu parler il y a longtemps dans les cours de catéchisme, soit, mais bon voilà, on ne l'associe pas spécialement à la peinture, contrairement à la crucifixion, la Vierge à l'enfant, la scène, etc., qui sont des scènes immédiatement associées à la peinture. Je vous disais que c'est un tableau, donc avec, il y a des perses, enfin, vous voyez qu'il y a une grande diagonale ici, avec le passé et l'avenir, donc c'est un tableau vraiment très symbolique, vous avez le combat de... préfigurant l'aigle tuant un serpent en haut qui est préfigurant le combat de Jésus contre le péché, etc., etc. Donc le christianisme, vous avez les regards, enfin en fait tout, une grande partie de l'interprétation autorisée du tableau hein, insiste sur l'importance des regards en fait, donc la Vierge regardant vers le passé, le terrain qui enfin il fuit en fait le massacre des innocents, donc le roi Hérode qui a ordonné le massacre des enfants de Nazareth. Bon, bref. Parce qu'on lui a dit que le roi des Juifs était né, etc., etc. Donc elle a le regard empreint de regret, personne ne regarde en avant, même pas l'ange, parce que personne ne sait où ils vont, il y a cette inquiétude en fait. Voilà. Même ni l'ange ni l'âne que vous voyez assez mal qui est là et qui regarde par terre lui aussi. Donc voilà, il y a tous ces symboles là dans le tableau et puis les couleurs qu'on voit pas forcément très bien mais qui ont souffert du passage du temps apparemment, sans compter que les couleurs de Poussin par ailleurs sont pas... enfin je sais pas si vous voyez un petit peu les tableaux de Poussin notamment qui sont au Louvre, mais c'est pas les choses les plus flamboyantes et qui arrêtent immédiatement le regard, comme des peintres contemporains, enfin je veux dire tous les peintres de paysages qui peuvent être contemporains de Poussin ou légèrement postérieurs, ou même avant lui, des Raphaël, des gens comme ça, ont des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus... qui attirent beaucoup plus. Voilà. Et il a coûté 17 000 euros. Donc, ce qui est un des achats les plus chers des musées, donc par un musée public, dont on dit qu'il a été financé par le mécénat, donc par de l'argent privé, en sachant que sur un tableau comme ça, 90% de l'argent que donne le privé, c'est en fait des réductions d'impôts. En réalité, il a coûté très cher à l'État. Oui. Qui est au cœur de controverses, etc. Et si c'est pas un discours, pourquoi est-ce que, enfin, en gros, j'ai bien compris, tu as répondu au fait qu'on finance une thèse là-dessus. Qui finance et pourquoi ? Ah, c'est le conseil régional de Lyon. En fait, pour rentabiliser l'investissement, il faut que tu te débrouilles pour qu'il y ait des gens qui viennent le voir. Pourquoi ? je pense qu'il y a un peu ça, en fait. Je pense que, de manière sous-jacente, c'est ça, leur idée. C'est qu'ils ont dépensé tellement d'argent dessus qu'il faut bien que ce soit rentabilisé. D'accord. Ouais. Mais c'est extrêmement drôle parce qu'en fait. Un observateur vraiment, vraiment passionné. Le tableau, c'est que. Ça fonctionne. Et c'est quel service du conseil régional ? C'est le service de la recherche. Ouais, d'accord. Non, mais en fait, ça fait partie d'un. Enfin, c'est un cluster. Donc, c'est des. En gros, il y a un groupe de recherche sur l'art et la culture qui est financé en grande partie par le conseil régional. Du coup, au sein de ce groupe de recherche, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Mon directeur de thèse, donc Bernard Lahire, fait en ce moment une enquête sur ce tableau et sur de sociologie historique sur ce tableau-là. Du coup, a demandé à la région Rhône-Alpes un financement de thèse pour. Voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Cela dit, le conseil régional a jamais dit, à part après avoir dit il faut qu'il y ait une thèse sur la réception du tableau de Poussin, mais en fait ils ont juste accepté une proposition de thèse sur la réception du tableau de Poussin, ils n'ont jamais eu leur mot à dire sur la définition de la problématique. Donc, sois rassuré sur mon indépendance. J'ai jamais eu de doute sur l'indépendance de mes chercheurs. En tout cas, je n'en fais pas mention. Comme hier, moi, t'allais manger au deuxième étage.